pour moi aussi de l'eau, s'il vous plaît, Yves. De l'eau pour un jeune homme qui vient nous rejoindre pour la deuxième fois en même pas 2 ans. C'est Jeff. Oh, oui, c'était quoi, il y a trois ans. Antoine. Deux ans et demi. Il y a 2 ans. C'est... Antoine a dit 2 ans. C'était en septembre 2017. Donc, bonjour Jeff. Salut David. Salut Antoine. Février 2018, donc ça fait effectivement 2 ans. Ah, donc j'étais peut-être revenu une deuxième fois entre temps. Et tu étais venu à l'époque pour nous présenter le projet de Kiss Kiss Bang Bang. Bang Bang, ouais, voilà, j'étais venu chercher des sous là. J'étais venu faire l'aumône. Moi, je connais un Jeff qu'on a en photo depuis 9 ans dans la radio. Oui. Sur une affiche de tournée générale. Ah ouais. C'était déjà à peu près le même bonhomme, mais dans un autre projet. C'est celui qui monte le doigt là, qui est tout en oui, centre. Oui, qui fait le coq. Tu es le même que tournée générale, qui est un groupe qui a trôné sur la France. Trôné, c'est un bien grand mot, hein. En tout cas, qu'il y avait beaucoup de dates un petit peu partout, à Paris. On a beaucoup roulé, on a beaucoup fait de concerts dans plein de petits lieux. Au départ, énormément de bistrots, puis un petit peu de salles. Ensuite, festival, on a montré notre nez sur quelques grosses scènes, mais voilà, pas plus. Hein. Et dans les studios, il faut savoir que c'est l'affiche la plus grande, la plus forte, la plus belle, celle où il y a le plus de monde. Alors Jeff, je vois que dans les mains, il n'y a pas de caméra. Mais tu as plein de CD. Tu viens pourquoi aujourd'hui alors? Pour le résultat de Kiss Kiss Bang Bang? Pour me la péter avec tous mes albums. Là. Ouais, c'est-à-dire. Bah, il faut être fier de ce qu'on produit, qu'on fait quoi, à un moment donné. Hein. Surtout quand c'est bien. Alors il y a un CD de tournée générale avec la fameuse affiche. Voilà. Effectivement, ça date de quand ça? Alors ça, c'est de 2009. D'accord. Il y a 11 ans. Hardisto, 2 détours. Voilà. Nostalgique chez le Baldo. Oh non. 2009, t'avais... J'avais quoi, 27 ans. D'accord. Et tu. Ah. Tu... Et, oh, merci. Et je suis pas mort à 27 ans, du coup, c'est. Mais c'est... non. Du coup, bah voilà, après j'ai. Donc j'ai moins bien. Bah voilà. C'est forcément moins bien. Alors il y a celui-ci. Attends, je l'emprunte pendant que tu bois. Pause tournée générale, c'est-à-dire. Pause, ouais. Voilà, pause qui s'est avérée stop finalement. Ah ouais. Bah ouais. Définitivement, il n'y a plus de tournée générale. Bah définitivement jusqu'à la prochaine, on ne sait pas. T'avais dit ça il y a 2 ans aussi. Hein. Ouais, mais voilà. Et on a fait 15 ans, 6 albums, je ne sais plus un live, combien de un concerts, DVD. Mais beaucoup. Et c'est, je me souviens. Alors tu vas voir, je vais citer souvent des sources, des références parce que je suis assez à cheval. Mais Jacques Brel, on lui demande à son dernier Olympia pourquoi il s'arrête. On lui dit personne n'a jamais voulu que je commence et maintenant personne ne veut que je m'arrête. Bah ouais. Voilà. Mais en fait, il n'a pas arrêté puisqu'il a repris Pancho Villa après. Oh bah alors, tu vois, finalement, on peut dire n'importe quoi. Oui, Pancho Villa. Ah, Pancho Villa de la Mancha. De la Mancha. Et l'album. Mais c'est pas Pancho Villa en plus. Sancho. C'est Sancho. C'est Don Quichotte. Don Quirote. Don Quirote, oui, ça c'était Brel. Jeff, Mon Pays, c'est donc l'album carrément. Il y a combien de titres? Ils écrivent tout petit. 13, 12? Ah, il y en a 12 plus un qui est la reprise en version plus longue du... Ah, c'est ça, qui dure 4 minutes et quelques. Qui dure, ouais, voilà, qui est un peu plus étayé, le propos. C'est sorti le 14 février? Ouais, youpi, tralala. 2020. Voilà, donc là, ça fait un mois maintenant. Qu'il est plus il est plus à moi, il est à ceux qui voudra bien s'en emparer. Et tu en as vendu 123 000 millions. Millions, pardon. Et 123 000, c'est pas mal quand même. Bah ouais, disons que du coup, comme il y en a à peu près 35 dans les magasins, ça va être déjà dès la base, on sait très bien qu'on sera pas disque d'or. Et tu sais que c'est le début de quelque chose? Ah bon, on dirait que ça se lève, oui. C'est parti. Tu as vu ce matin. Comme c'était gigantesque, ça serrait dans nos poings, ça nous soulevait presque. Tu as vu l'éclosion, le sourire descendant, la couleur du patron, le retour du vivant. Un soleil s'est levé sur une autre planète qui battait le pavé d'une pluie de canettes. Un monceau de granit apportait des nouvelles d'un tout dernier zénith et des mioches à la pelle. c'est le début de quelque chose. On dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. On sentait le café remuer dans nos veines. Un joyeux cabaret s'agitait vers la scène. On mettait des guirlandes au sabre des statues. Des parfums de lavande remontaient de la rue. J'avais les yeux troublés par la cérémonie. Je me suis apaisé dans le son de nos cris. Marianne était contente, il y avait du grabuge. Une seule déferlante pour tout dernier refuge. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. Villon volait dans l'air, c'était la cavalcade. Aux pigeons les parterres, aux avions les aubades. On voyait la commune éructée de naguère. À cheval sur la lune et les hélicoptères. La douce mélopée des enfants du grand soir. Ajuster la portée du coin de ses regards. Un aïeul expliquait l'illustre protocole. Et gamins poussés d'anciennes carmagnoles. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. Apprenait une ampleur à faire tomber les murs. Un tout nouvel empereur arborait son armure. C'était la voix du peuple qui sortait d'outre-tombe. Une baffe dans ta gueule faisait l'effet d'une bombe. Un tonnerre a pris place au lieu dit république. Une immense carcasse se relève en musique. Des enfants prennent en main l'avenir qui les chasse, entonnant un refrain de mille voix de calas. C'est le début de quelque chose, on dirait que ça se lève. On dirait qu'autre chose est en train de naître. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. C'est comme les vraies chansons qui passent dans les grandes radios, ça s'envoie petit à petit, on dirait quelque chose, et puis le son, la musique disparaît petit à petit. C'est le premier titre qu'on retrouve dans l'album ou pas, Jeff ? On a fait les choses bien jusqu'au bout. Ça fait partie de l'album, tu la chantes tout seul ou t'es, parce que dans l'album, tu fais pas mal de participer des musiciens avec qui tu as donné des cours aussi, je crois. Ah, non, c'est particulier. L'album, alors là, il y a plusieurs questions en une, quoi. Ouais, c'est mon donc mon défaut. Les musiciens, mais souvent, c'est vrai qu'on amalgame tout ça, mais il y a effectivement, il est enregistré avec des musiciens, mais je vois où tu vas en venir. Le single de l'album, il a été chanté, interprété en duo avec un jeune rappeur d'Épinal, de chez moi. et qui s'est retrouvé à participer à des ateliers d'écriture que j'anime à la MJC Savouray à Épinal. C'est un dispositif qui est mis en place par le conseil départemental des Vosges qui oblige aussi aux bénéficiaires du RSA de participer à des ateliers, des activités d'insertion. Donc il y a un rendez-vous d'écriture avec Jeff. Ouais, alors ils viennent plutôt à reculons, mais ils repartent plutôt contents. Ouais. Et ce qui se passe là pendant cette heure et demie, c'est il se passe un truc, quoi. D'accord. Bah oui, parce que le but, c'est de redonner confiance, de redonner, parce que le talent, il est vraiment là, quoi. Simplement, les caméras sont pas braquées au bon endroit. Puis il faut cadrer un peu tout ça. Il faut que voilà, il faut vraiment. C'est le but, c'est de se mettre à la hauteur des gens, pendant un moment donné, ils sont quelque chose, quoi. Ils existent, quoi. Et du coup, voilà, c'est les mettre en confiance pour créer. Et tu fais ça comme et tout le monde a quelque chose à dire, et même souvent avec talent même. D'accord. Mais il y a des résultats qui sont vraiment probants. Tu fais ça combien de fois? C'est un certain nombre de fois dans l'année. Il y a combien de personnes qui... Alors c'est chaque semaine, mais par contre l'équipe d'intervenants est renouvelée tous les 3 mois, parce que le but étant aussi que de pas trop ancrer chaque activité, parce qu'il faut qu'à chaque fois il y a des nouvelles activités pour cette idée d'adaptation, de reconstitution, de redécoupage tout le temps, pour que voilà, on s'endorme pas sur un truc trop acquis, quoi. Moi j'y ai participé en fait, là par exemple, là sur toute l'année 2019, j'ai quasiment fait tous les semestres. Voilà. Donc là, je suis en pause à ce niveau-là. Puis ça tombait bien parce qu'avec le disque, j'avais aussi d'autres chats à fouetter. Le disque, tu as mis combien de temps pour réunir les 10 000 euros à peu près? C'était ça? C'était la somme? 10 000 euros, on les a déjà réunis en un mois, quoi. C'est fou, ça? Ouais, c'est bien, ouais. C'est presque inespéré, oui. Tu as pas fait de concert spécial pour cette occasion, ou tu vas le faire, ou c'est prévu dans la tournée pour la sortie d'album? Ouais. Voilà, alors il y a donc j'ai monté toute une tournée, évidemment, pour aller présenter le disque un petit peu partout, dans tous les endroits où j'ai aussi l'habitude d'aller chaque année, mais avec en mettant en avant 3 dates officielles de sortie d'album. Donc il y a eu une date de sortie au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine, donc pour la région parisienne. D'accord. C'était jeudi dernier, et là on revient dans les terres, quoi, avec une date de sortie à Épinal le 21 mars, voilà, pour le printemps. Après les amoureux, le printemps. Au studio Microclimat. Voilà, espérons que le microclimat va continuer à régner. Bah aujourd'hui, tu nous as ramené le soleil. Il y avait de la pluie, de la bruine. Et... Il est poète, le monsieur. Non, je ne sais pas, moi, c'est Yves qui est poète. C'est qui Yves? C'est qui Yves? C'est un monsieur qui se cache dans l'angle. Il est loin du micro aujourd'hui. Il est dans l'angle. Vous serez sur la photo. 21 mars à Épinal. Vous serez sur la photo. À Microclimat. Et ensuite, 20. C'est une salle, Microclimat? C'est quoi? C'est alors au départ un studio d'enregistrement, mais qui accueille des concerts 2 fois par mois. Alors, la couleur, c'est beaucoup plus de. Il fait venir, lui, de la musique jazz, en fait. Des pointures de jazz qui sont en tournée européenne. Donc un jour il y a un saxophoniste très pointu en jazz, mais des gens qui sont très reconnus là-dedans, quoi. De Ray Charles, il y avait notamment des gens qui ont joué avec Coltrane, etc. Et donc, il s'est trouvé que... Mais il y a combien de places on peut appeler Microclimat et dire voilà, alors là, si c'est à deux, ça va. C'est à 19h l'ouverture des portes, et ça s'arrêtera à 160 entrées, donc il n'y a pas de réservation. Donc le coronavirus... Vilnius. Vilnius. On peut le faire sans problème. Il faut juste avoir 1 mètre d'espace entre chaque. Ah ouais, on va être un peu comme au connétable, comme des sardines. Oui. Tu vas pas nous la chanter, celle-là. Non. Il est magnifique, cet album. Qui a fait la photo où on te voit de plein écran? Alors, c'est on a travaillé avec un atelier qui s'appelle Atelier Marche Design à Paris, qui réalise des visuels. C'est qui on? Donc moi et mon équipe en fait, parce que je travaille aussi avec avec des personnes qui se sont constituées en association et voilà, à un moment donné pour porter un tel projet juridiquement ou administrativement parlant, voilà, il faut aussi avoir une structure morale derrière. Et donc, ils se sont ont créé cette association, ceux qui étaient le plus autour de moi et qui voulaient m'aider, quoi. D'accord. C'est un peu une photo qui me rappelle les photos de l'époque de John Steinbeck. J'en parle souvent de Steinbeck, mais c'est les photos des années 30, des personnages américains. Les Grand Kids aussi dans les westerns, bien. Antoine. Oui, mais j'aime beaucoup cet univers-là. Il y a Steve McQueen qui est derrière avec Au nom de la loi. C'est vrai. Moi, la première fois que je l'ai vu, la pochette-là, elle m'a fait penser à une pochette de Springsteen. C'est un de ses premiers albums, The Darkness of the Edge of Town. Ouais. Alors, ma face, mais lui, il est plus reculé, mais dans l'esthétique, dans le grain de l'image. Voilà, on sent qu'il va se dire des choses que c'est pas seulement de la chansonnette. Ouais. C'est une référence qu'on a tous les deux, Bruce Springsteen. Ça se ressent des fois dans tes chansons d'ailleurs, un son très folk song. Oui, voilà, autant je suis totalement imbibé de langue française et de poésie et de littérature, autant musicalement. Moi, ça a toujours été plutôt la musique anglo-saxonne qui m'a fait vibrer. J'ai toujours eu du mal à dépasser les années 70, tant au niveau des choses. T'étais pas né. Au niveau du folk rock. Ouais, mais mon père, il était né. Bah oui. Et puis ensuite, voilà. Je vais t'arrêter, on va écouter Mon Pays. Oui, parce que. On parlera, parce que là, on va passer qu'un titre dans l'émission. Mon Pays, c'est. Et d'ailleurs, il y a deux versions, je crois, de Mon Pays dans l'album. Ouais, stop, on l'écoute, on en parle juste après. Mon pays, Jeff, ton talent d'ici. Un bon paquet d'années qu'on n'a plus de nouvelles de France. Alors un peu je vais t'en donner, t'es fraîche et même en abondance. À chaque rentrée c'est la même course dans les rayons de la disette. Et tu vas soulager tes bourses au bout des queues de Pôle Emplette. Et que ça défile en randonnion dans les supermarchés du vide. Un bout mort dans chaque pantalon, dans la cervelle une crème liquide. Car y a plus rien dans les parages à se mettre en dessous des crocs. Depuis qu'ils ont mis des péages à la sortie de chaque resto. Mon pays tu trembles sous les balles, un peu que tu sembles avoir si mal. Aux petites fleurs qui se fanent, sous les yeux qui pleurent de Marianne. Fini les heures de rigolade autour d'un bon verre de Porto. Si tu veux rester dans la rade, il va falloir te mettre à l'eau. La fête a plié ses valises de nos villages à nos quartiers. La même odeur de la pare-brise a fait partir toute la gaieté. Par ici la culture du fric. Et pour l'autre, ben tu repasseras quand ils auront viré les flics à l'entrée des derniers galas. Bienvenue dans nos grands ghettos, des pauvres aux riches tous enfermés. Et pour tout le monde, le même impôt. Ciao la solidarité. Ah ouais. Mon pays, tu trembles sous les balles, un peu que tu sembles avoir si mal. Aux petites fleurs qui se fanent, sous les yeux qui pleurent de Marianne. Au nom de la peur, y'a tout qui est bon, surtout si c'est marqué halal. Au cul de la cervelle de pigeon qui croyait te renvoyer la balle. De quoi refiler une bonne migraine à un continent tout entier. Et que ça décroche pas l'antenne de ton cordon télévisé. Chacun au fond de son bercail et les poules seront bien gardées. On va plus faire dans le détail, choisis bien ta communauté. Finalement rien de très nouveau, quand tout le monde se tape sur la gueule. On pense pas à regarder plus haut qui nous a tiré le larfeuil. Mon pays tu trembles sous les balles, un peu que tu sembles avoir si mal. Aux petites fleurs qui se fanent, sous les yeux qui pleurent de Marianne. Les sous du sexe et de la peur, une terre à feu et à sang. Le commerce peut faire son beurre et tout le monde s'endormir content. Il faut bien ça, de petites guerres, d'ordre et de civilisation, pour vendre nos hélicoptères et faire avancer nos camions. Surtout qu'il faut bien se défendre dans ce chaos économique, avec toutes ces nouvelles puissances et ton chano si bon principe. Va falloir serrer la ceinture, oublier nos services publics. La santé prend sans couverture et notre école sans république, hein. Mon pays, tu trembles sous les balles, un peu que tu sembles avoir si mal. Aux petites fleurs qui se fanent, sous les yeux qui pleurent de Marianne. On dit qu'une bonne révolution le remettrait dans le bon sens, mais pour ça d'abord arrêtons de tirer sur les ambulances. On dit qu'une bonne révolution le remettrait dans le bon sens, mais pour ça d'abord arrêtons de tirer sur les ambulances. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Mon pays, on peut en parler. Donc on en a parlé tout à l'heure avec ce jeune rappeur dont on va rappeler le nom. Nixo. Nixo. La deuxième version dans l'album, elle dure une minute de plus, c'est ça? Et bah, qu'est-ce qui change? Bah, y a deux couplets de plus et je la chante seule, quoi. D'accord. Voilà. J'allais dire a cappella, non, acoustiquement. Bah, non, c'est la même, c'est la chanson, c'est la même. Mais simplement, il y avait, c'était envie de faire cette idée de faire un featuring, mais mm-hmm. aussi, quand même de proposer aussi une version, ouais, d'accord, oui. longue et sans tous ces, sans ça. C'est la, tu peux terminer ta phrase hein, si tu veux. Non, ça y est, j'ai fini. c'est la pierre angulaire de l'album, ce titre ou pas? Il a donné son nom à l'album, il est deux fois dans le disque, oui, un peu, ouais. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est et en même temps non parce que c'est une certaine couleur, une chanson très sociale, très revendicative, etc. Alors qu'il y a aussi beaucoup de chansons d'amour et de chansons plus légères, et même si elles parlent effectivement de la société, tout n'est pas aussi frontal, quoi. Qu'est-ce que tu as comme écho depuis les gens qui l'ont acheté? Est-ce que sur tes pages Facebook, tu as un site, je suppose, aussi également? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as comme retour de ceux qui l'écoutent? Bah, c'est vraiment un bel album, de belles factures. Avec très jolies chansons. Les textes sont de toi. Beaucoup d'émotions. La musique, les textes, ouais, c'est toi. J'ai tout écrit et composé. Ouais. Le clip aussi. C'était aussi le principe du projet, quoi. Mmh. C'était c'est un projet d'auteur, compositeur, interprète, quoi. Mmh. Le clip, il y en a un pour Mon Pays. Ouais, le clip. Donc le clip, c'est la chanson qu'on vient d'entendre là avec Exo. Et qui est aussi pour beaucoup. Ou t'as fait participer quelqu'un d'autre pour le réaliser? Comment ça s'est passé? Là, c'est une équipe d'Épinal, Nuit Blanche Productions, mm-hmm. qui en a confié la réalisation du clip. Mm-hmm. Voilà, ils sont adhérés à cet univers-là, mm-hmm. et donc on était plutôt contents du résultat. C'était ce qu'on voulait montrer. Il y a des belles images. C'est assez cinématographique. Tu dois avoir un paquet de chansons sur scène. Tu peux faire 2 heures, 2 heures et demie. Oui, mais c'est pas l'intérêt puisque oui, il y a que le boss qui fait 4 heures. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qu'un. Et du coup, j'avais peut-être 80 chansons au moment d'en sélectionner 12, donc c'est presque un best-of. 80 chansons. Bah ouais, on écrit, c'est mon. C'est mon boulot. Tu sais qu'il y a un musicien qui, sur son site, met une chanson par jour. Tu sais qui c'est? Non. C'est Jean-Louis Murat. Il écrit tellement de chansons qu'il sort des albums tous les 6 mois, tous les ans, mmh. et puis il en met sur son site. Oui, c'est un choix, quoi. Je veux dire, on peut maintenant, comme on fait tout nous-mêmes, finalement, de A à Z, c'est aussi à nous d'imaginer la façon dont on veut diffuser, produire sa musique, et puis inventer. Ça fait même partie maintenant presque de la démarche artistique, de savoir de quelle manière ça va se distribuer, oui. Dans la chanson de l'agent, ça parle de quoi? Ça parle de natation. D'accord. Ça parle de natation, mais synchronisée. Mais pourquoi la natation synchronisée, ça n'a rien à voir? T'es en train de me mener en bateau, ce qu'il y a de dire. Voilà. Bah oui, on file les métaphores jusqu'au bout. C'est... En fait, c'est nageons, c'est... J'ai pris la première lettre, mais le refrain, c'est nageons en plein bonheur. Donc, bah on va l'écouter. Voilà. On va voir si on est dans le bonheur. C'est une invitation. Après. Si après on est... Bah, invitation. C'est parti, nageons avec Jeff dans Talent d'ici. Donne-moi tes deux petits bras, fais-moi le cadeau de ton corps. Arrache-moi, emporte-moi loin de ma vie et de son sort. Fais défiler tes petits bas, laisse-moi plonger dans ton cœur. Épargne-moi tous les débats, déballe tes belles ardeurs. Nageons en plein bonheur, coulons des jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Nageons en plein bonheur, coulons des jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Dévoile tes petits seins nus, je veux revivre l'innocence. Découvrons les trésors perdus dans les replis de l'indécence. Donne-moi des songes inconnus, dans ta bouche je veux encore retrouver ces îles charnues qui font des mers de remords. Nageons en plein bonheur, coulons des jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Nageons en plein bonheur, coulons des jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Réveille ce fleuve endormi, je sens déjà fondre la tente. Entre tes courbes où je gravis les premiers lacets de la pente. Sois ma destination lointaine, un nouvel horizon mon cap. Au bout de ces eaux incertaines, un navire qui nous échappe. Nageons en plein bonheur, coulons des jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Nageons en plein bonheur, coulons des jours un peu meilleurs, plongeons dans nos deux cœurs sans fond. Nageons en plein bonheur. Nageons en plein bonheur, ça parle d'une femme, ça parle de... Bah oui. Effectivement. Oui. Ça parle de... Ça parle aussi de... d'espoir. Mm-hmm. Dans la femme. Ça parle de joie. Ouais. Mm. Parce que la photo où tu es en une de l'album, c'est pas forcément la joie qu'on retrouve sur cette photo. Ah bah oui, mais bon... Tu as des avis bien pointu sur des choses qui t'entourent et ça te marque, même physiquement, tu es déçu par le monde actuel ou comment ça se passe? Non? Je dis une bêtise, fait, ça, ou pas? Non, bah, oui, mais c'est pas grave. Moi aussi, j'en dis. disons que, voilà, je pense que il suffit pas de nier la réalité et de s'inventer des paradis artificiels. C'est aussi en prenant les choses le plus honnêtement possible, véritablement, qu'après on peut esquisser un changement. Mmh. Et, moi, je suis optimiste, en fait. Je crois vraiment que... Voilà, effectivement, il y a des nuages, mais au-dessus, il y a encore le soleil, quoi. Et donc, c'est pas non plus la peine de jeter de la poudre aux yeux des gens. Parce que tournée générale, c'était festif, c'était... Ouais. Là, ça l'est moins parce que tu es de plein fouet dans la vie. Comment ça se passe ? Ouais, voilà. Bah, c'est aussi l'histoire de ma vie, quoi. À 20 ans, on part sur les routes avec mes potes, faire de la musique. On est payé à faire la bringue, à faire les cons. Et des fois, on paye pas la boisson. Et puis on fait quand même des albums, des concerts, mais voilà, à partir du moment où tout ça se délite au bout d'un moment, et puis il reste que les bonhommes, quoi. Et donc je prends il me semble que je suis resté, j'ai toujours gardé mon cap bien droit en tête, quoi. T'as encore tes contacts téléphoniques ? Alors je tremble, j'ai peur, effectivement, ça fait avancer dans le noir et dans l'inconnu, mais voilà, quelque chose me porte. Le fait qu'il y ait eu pas mal de monde qui... Notamment, oui, ça montre qu'il y a aussi des soutiens, quoi. Mmh. Des gens qui m'ont signé un chèque en blanc pour que je fasse un album, par exemple. C'est bien, ça. Tu es produit par une maison de disques ou c'est autoproduit complètement ? C'est avec ici, c'est bon. Je suis bête, effectivement. Je suis très bête. Moi, je voudrais savoir si tu as prévu des dates là dans le mois d'avril, mai, juin, pendant l'été. Tu tournes un peu avec cet album ou pas ? Là, il y a. J'ai monté une jolie tournée là depuis fin janvier jusqu'à juin. Il y a 25 dates, quoi. Donc quand tu dis c'est-à-dire tu fais tout seul ou mais c'est souvent des endroits où tu es déjà allé ou... Voilà, des lieux parfois de résistance ou des simples lieu de commerce, quoi. Voilà. Et puis tu passeras vers Nancy ou pas? Là, en tout cas, à Nancy, on a rendez-vous à MJC Pichon le 27 mars, et c'est une belle salle. Voilà, je serai avec les musiciens qui ont enregistré sur le disque. C'est aussi le but des dates de officiel de sortie d'album, c'est que je vais présenter le disque dans les meilleures conditions avec les arrangements. Si on doit donner les noms des musiciens, c'est possible ou pas ? Je pense qu'ils vont pas être déçus. Vas-y. Donc c'est Stephen Harrison qui m'accompagne à la contrebasse et Gaël Meny à la guitare électrique. Donc vous êtes trois. Ouais, en trio là, on défend le disque. Et tu peux être jusqu'à combien sur scène ? Là, c'est le maximum. Au complet, d'accord. Ouais, ouais. Et tout seul, tu feras des titres tout seul sur d'autres dates ou pas ? Voilà, et les autres dates, plutôt en solo, des dates à petit budget. Il n'y a pas de petit budget dans Talent d'ici, donc tu vas aller t'installer. Ok. Du coup, je lui dis qu'il va aller chanter, il est parti pour chanter. Donc, effectivement. Ah, c'est bon, ok. Oui, tu peux y aller. Non, mais moi, tu sais. Je suis en fait, pas contrariant comme mec. Je suis un petit budget, donc tu peux y aller. Et le titre s'appelle Petite. Il fait partie de l'album de Jeff. Alors, ça s'écrit, pour ceux qui cherchent, J-E-P-H. C'est ça. Et l'album s'appelle Mon pays, dans ta langue d'ici. Ça va, les loulous ? Ils ont donné ton prénom à l'actrice de la fiction hier soir sur Canal. Ils ont dit qu'à Perpignan, le temps serait clément à la fin du journal. Ils ont parlé sur Inter de ce chanteur populaire que tu trouvais génial. Ils ont passé pour te plaire et m'envoyer en enfer foule sentimentale. Hey, petite, tu me manques déjà, tu voudrais pas qu'on se quitte comme ça. Tu sais, petite, le penchant que j'ai pour toi, le mal qui m'habite quand t'es pas là. J'ai marché pendant des plombes sous l'averse de bombes qu'allumait ton deuil. J'ai traversé les décombres, visité de fond en comble notre cercueil. J'ai complété dans l'alcool ma collecte de casseroles, aggravé mon cas. J'ai joué du rock'n'roll au volant des bagnoles, et bien pire que ça. Hé, hey, petite, tu me manques déjà. Tu voudrais pas qu'on se quitte comme ça. Tu sais, petite, le penchant que j'ai pour toi, le mal qui m'habite quand t'es pas là. Je veux plus rien comprendre, juste exister et apprendre à vivre sans toi. J'ai tant d'amour à revendre, de liberté à prendre et tant de combats. Ils peuvent donner ton prénom à toutes les starlettes bidons et même aux étoiles. Je me fous de Perpignan tant que soufflera le vent sur mon vieux canal, sur mon vieux canal. Hé, hey, petite, qu'est-ce que tu crois que j'allais t'attendre encore une fois? Tu sais, petite, le penchant que j'ai pour toi, le mal qui m'habite quand t'es pas là. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Là, ça y est, on ne peut plus le lâcher. Jeff a pris sa guitare, il vient de chanter Petite il y a quelques instants. Je quitte ce monde. Vous quittez ce monde, c'est ça, très cher? Ouais. En direct? Ouais. Ah, là, ce serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on use comme arme? La parole. Pas d'arme. Que la parole. Voilà. Petite, la petite à qui on fait des petites... Non? Des petites chansons d'amour. Oui. Pour qu'elles reviennent. J'ai crié Aline. Non, mais la petite, elle disparaît. Il y a un moment dans la chanson. Ouais, elle revient pas. C'est elle qui revient pas ou c'est toi qui la quitte? Elle revient quand jamais. Quand elles sont parties, ce tabou écrire toutes les chansons, abordées dans tous les cas de figure, faire différents exercices de style. Brel ne me quitte pas, elle revient pas. Ah, revient jamais, jamais, jamais. C'est triste. Bah, c'est les femmes. Oh, tout de suite. Bah, elles ont le courage de leurs opinions. Et toi aussi. J'essaye. Petite, c'est une chanson que tu avais dans ton escarcelle pendant un certain temps ou... Oui, c'est une sorte de chanson totem, mm-hmm. puisque finalement, c'est la seule qui a traversé le passage de tournée générale. Elle était dans tournée générale, d'accord. Voilà, elle a fait la grande traversée en solitaire. Et quand tu chantais avec tournée générale, tu étais tout seul à ce moment-là ou il y avait tout le groupe qui était derrière? Il y avait le groupe qui suivait, maintenant j'ai un autre groupe qui suit. Les choses changent. Donc petite, cet album, il a été édité à combien d'exemplaires On en a fabriqué 1000. 1000, c'est par principe d'ailleurs, c'est tous les musiciens qui viennent nous disent qu'ils en ont fabriqué 1000. Oui. Et principalement vendus à la fin des concerts. Oui, voilà, le distributeur doit en prendre 250. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà, comme je disais en début d'émission, on est déjà sûr de ne pas être disque d'or. Quoi. Mm-hmm. Et ensuite, on en fait. Combien de disques d'or, 50 000 ? Oh, remarque, ils ont bien baissé. Là, avant, c'était 200 000, maintenant, c'est 40 000. Mais en même temps, voilà, aussi, il y a la crise. C'est la crise du disque. Non, pas pour tout le monde. Si. Christophe Maé, il en vend. Ouais, voilà, mais il y en a 5 ou 6 quoi, qui vivent du disque. Je ne sais même pas s'il y en a qui vivent encore du disque, même chez les plus gros vendeurs. Bah, ils vivent des tournées principalement. Voilà, c'est pour ça que tout le monde s'est remis sur scène, là. Est-ce que tu en as envoyé, puisque nous on est une radio avec sept autres radios associatives qui écoutent l'émission, mais est-ce que tu as envoyé aussi des CD à des radios parisiennes? Ça passe sur des ondes nationales? Il y a eu déjà une salve d'envoi, une deuxième. Normalement, si le travail est bien fait, vous ne passerez pas entre les gouttes. Tu le dis plusieurs fois si le travail est bien fait. Bah oui. Parce que tu n'es pas sûr qu'il soit bien fait? Si. Non, je suis assez sûr en fait. D'accord. Vous allez le recevoir. D'accord. Dans tes influences et dans des titres que l'on entend dans le titre suivant, on a un petit air qui nous rappelle 95-97. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux parler de 81 et des poussières? Oui, dans 81 et des poussières, il y a à la guitare, il y a un riff qui revient. Ah, oui. Qui rappelle quelqu'un qui a disparu en 97. C'est Jeff Buckley. Voilà. Mais qui a popularisé un peu plus ce morceau de Leonard Cohen. Tout à fait. Alléluia. Et il l'avait enregistré. Tu parlais de Canal dans une chanson. RCF, c'est, voilà. Oui. Non, je regarde Yves, la tête qu'il fait, c'est mon baromètre. Ah, d'accord. S'il fait la gueule, c'est que je suis pas. C'est qu'il a compris de... C'est que je commence à flipper. Alléluia, RCF, effectivement. Tu parlais de Canal tout à l'heure, à propos de Petite, ou dans une chanson, tu parlais de. Ouais. Et on a parlé de toi sur Canal, je crois, c'est ça, dans Petite, tout à l'heure. Ouais, mais je parle de. Bah, je parle. Dans les chansons, je parle de... Non, parce que la plus belle version d'Alléluia, c'est dans la pénombre. Dans Nulle part ailleurs où il la chante Jeff Buckley, ouais, alors tout à fait. D'accord, voilà, bah, disons qu'en fait cette chanson a la prétention un peu de faire une sorte de fresque de cette période de 81 qui est assez symbolique, enfin qui marque quand même parce que toi Mitterrand à aujourd'hui, ouais. Et donc voilà, c'est vrai que le petit riff, on n'invente rien, mais le petit riff de Buckley qui symbolise aussi toutes ces années là parce que c'est pour moi une chanson transversale. Mm-hmm. 81, on peut le dire, hein, c'est l'année aussi voilà, c'est l'élection de Mitterrand, c'est la fin des haricots. Ah oui, d'accord. Parce que moi j'avais 14 ans, mais toi c'est ton père. On me l'a raconté. C'est ton père, enfin, qui t'a raconté. Pas que mon père, je veux dire, j'ai eu le temps aussi de pas mal voyager puis de discuter, mm-hmm, ainsi avec des gens plus âgés que moi. Et voilà, tout le monde est quand même assez unanime pour dire que à partir de là, c'est les carottes sont cuites, quoi. Mm. 80 et des poussières, et bon, on va s'écouter cette chanson. Donc tu t'installes. On va se gêner. Allez, c'est parti. 80 et des poussières. Jeff dans ta langue d'ici. C'était les années Mitterrand, c'était Chirac et puis Jospin, ça cohabitait gentiment, c'était l'après 81. Le front était encore absent dans les débats républicains, c'était Le Pen à 10%, la haine en dessous des 10 points. C'était fini le noir et blanc, s'il n'y aurait pas cet au rouquin. Puis on a déterré mon temps pour une bande de requins. DiCaprio crevait l'écran, les mômes étaient tous orphelins. Quand Dorothée prit ses croissants pour nous coller chez les ricains. 81 et des poussières. Gamin, te souviens-tu d'hier? Fin 80, toi le si fier, sans culotte, bicentenaire. Ça revenait du Vatican, ça prenait Paris pour Pékin. C'était déjà le bon vieux temps, mais pas encore le vieux Pantin. Renault chantait Mistral gagnant, ça s'engueulait chez les voisins. Le cours était encore au franc, le tour était encore au frein. On nous parlait d'Afghanistan, il y avait l'OTAN sur le terrain. Quand sont tombées les tours d'argent, en dessous du niveau, plus rien. C'était Charlie sans charlatan, qui nous mitraillait de dessins. C'était pas tout un Bataclan pour aller lever les deux poings. 81 et des poussières. Gamin, te souviens-tu d'hier? Fin 80, toi, le si fier, sans culotte bicentenaire. Fini les années Mitterrand, plus de Chirac ou de Jospin. Désormais, nos gouvernements se font à l'arrière des pantins. La colère monte tranquillement à chaque tour de scrutin. Plus de Le Pen à 10%, de haine en dessous des 10 points. Au lieu de ça, ici maintenant, c'est plus qu'un tout nouveau terrain à construire pour les puissants, puisque l'argent n'a pas de fin. Au lieu de ça, ici maintenant, c'est plus qu'un tout nouveau terrain à construire pour les puissants, puisque l'argent n'a pas de fin. Quatre-vingt-un et des poussières. Gamin, te souviens-tu d'hier? Fin 80, toi, le si fier, sans culotte bicentenaire. Vous écoutez Talent d'ici, Jeff avec 81 et des poussières. Talent d'ici avec David Ménard. Talent d'ici avec Jeff, J-E-P-H. Alors parle-moi tes liens sociaux. Tu as une page Facebook, forcément. Oui. Avec Jeff. La page de Jeff, J-E-P-H. T'as un site? Site internet, J-E-P-H.fr. D'accord. Instagram, Jeff. Tu fais des photos pour Instagram et... Ouais, je mets des photos. Réseaux, voilà, les réseaux sociaux. YouTube. YouTube, une page, une chaîne YouTube aussi. Jeff, J-E-P-H, chanteur. Et il y a combien de vidéos sur YouTube? Voilà, pour l'instant, il y en a 3. D'accord. Mais bon, voilà. Tu fais pas des. On les pose une après l'autre. Tu fais pas des discours, des mots, enfin ton avis sur les choses? Non. Déjà dans les chansons, c'est déjà. Non, mais voilà, après, chanteur, c'est pas homme politique, quoi. On n'a pas reçu un mandat pour ça non plus, et on cherche pas à avoir de. Il y en a un qui faisait ça bien. Hein. Enfin, Balawan, il faisait ça bien. Lui. Ouais, mais. En fait, être artiste, c'est défendre une création. Moi, j'ai horreur des chanteurs qui paraphrasent un discours politique. Quoi. C'est une marionnette, quoi. Et Renaud le fait. Bah, Renaud, il a certainement été à un moment donné un peu coincé, quoi. Je pense qu'il s'est trop. Mitterrand, c'était le grand amour qui filait. Il faut absolument que l'artiste reste libre, parce que c'est nous, on est libre, qu'on peut proposer quelque chose aux gens. Si déjà on est déjà partisans, je vois pas quelle lumière on peut apporter, quoi. Est-ce que tu crois qu'en musique on peut transformer un peu les gens quand ils écoutent des chansons et les faire on peut ça? C'est un pouvoir magique. On peut faire plein de choses, on peut les apaiser, on peut les consoler, on peut leur rendre l'espoir, on peut les réanimer, on peut, enfin voilà, en étant bienveillant. C'est un mot qui est à la mode, mais qui est pas beaucoup appliqué. Tu t'écoutes quoi, toi, comme musique quand tu es à part toi? Non, je m'écoute pas déjà. J'ai du mal à me regarder là. Non, mais ça c'est normal. Je sais pas si j'écouterai l'émission parce que je me dis, pas aimé plein de choses. Mais j'écoute. Déjà, j'ai, alors moi, ce que j'écoute, t'arrêtes de jouer avec ta bouteille déjà. Oui, voilà, que... ouais, voilà. J'ai besoin aussi d'une maman. Je suis ta mère. Je suis ton père. J'écoute ce que, en fait, je m'efforce d'écouter ce que je ne connais pas encore et d'aller explorer toutes les. Là, on parlait de jazz tout à l'heure et là, j'ai eu un peu de temps cet automne, un peu plus de temps que quand je suis en sortie d'album. Et là, j'étais dans les répertoires de Coltrane, j'ai découvert Miles Davis. Voilà, c'est parce que j'avais jamais écouté de jazz et je pense que c'est important aussi en tant que auteur-compositeur, c'est de connaître un maximum, d'être enfermé dans le moins possible dans un genre, quoi. En fait, en réalité, j'écoute très peu de chansons. Dans ma voiture, j'écoute que Gigi Kale, de toute façon. Alors... Ah bah, c'est celui qui a créé Cocaïne. Ouais. Non, c'est vrai. La chanson qui a été reprise par Eric Clapton, Cocaïne. Alors, tant, c'est un message subliminal. Pas du tout. Pas du tout. Ça me... Ouais, voilà. Ouais, bah justement, oui. Clapton, il était archi fan de Gigi Kale, mais Gigi Kale, c'est le son, c'est l'âme pure du chanteur, du créateur. C'est, moi, et Johnny Cash, c'est qui? Ah bah Johnny Cash, oui, c'est Walk the Line. C'est le mec, il s'éparpille pas dans tous les sens, il va tout droit. Et ça, écoutez Johnny Cash quand même, hein, c'est un personnage qui a disparu, qui est mort, mais qui a laissé une trace dans la musique américaine, comme Roy Orbison d'ailleurs. Ouais. Mais comme... c'est des gens sans compromission, sans... Comme Neil Young. Ouais, oui, voilà, ils ont des gens qui sont... Qui suivent leur sillon, qui tracent leur sillon, et ensuite on les suit ou pas, mais ils font pas... Et c'est demain qu'on va peut-être s'écouter dans un instant. C'est des monuments. Oui, effectivement. Demain, ça évoque quoi? Bah, comme son nom l'indique, quoi. Je n'ai pas été chercher très loin pour le coup. Donc tu vas aller t'installer? Ouais, mais je crois que je vais rester avec toi là. Bah, moi, bah, je regarde mon supérieur et puis il va me dire oui, tout à fait. Non, c'est pas Dieu, c'est toi. Tu es mon amour indéfinissable. C'est... Demain, tirer l'album Mon Pays. Ouais, non, demain, c'est une chanson, c'est la dernière chanson du dernier album de Tournée Générale. Ok. Et elle parle du futur et elle a été écrite et sortie avant que le film Demain existe. Mélanie Laurent. Voilà. Je tiens à le préciser. Nous ne vivrons plus de nos souffrances. Refleurira notre chemin. Quand le goût de vivre aura du sens, nous envisagerons demain. Nous partirons pour le grand voyage. Et des filles nous donneront la main pour aller cueillir les paysages que nous habiterons demain. Nous ferons fi de toutes nos peurs et nous chanterons comme des gamins. Nous entreverrons le bonheur au bout de ce tunnel incertain. Nous aurons du soleil à revendre et nous danserons jusqu'au matin. Quand le train d'hier viendra nous prendre nous emmener jusqu'à demain. Demain, Jeff, un titre qui fait partie de Tournée Générale. Oui, demain, c'est pas un gros mot. Non, Et est-ce qu'on c'est un joli mot. Est-ce qu'on retrouvera... Ça, on l'entend pas. Là, d'accord, je ne pose plus de questions. C'est pas la peine. Moi, j'ai pas ma réponse. Aujourd'hui, on vend du désespoir. C'est tout. L'espoir, et... ça ne marche pas. Alors, je te laisse une minute pour dire ce que tu as envie de dire c'est bon à la France entière. Vous aviez des questions vous aviez... Non, non, là, justement, je voulais te laisser une trentaine de secondes. Si tu as envie de dire quelque chose à la France entière, vas-y, profite-en. Je t'aime. Ouais, ça, c'est un peu démago. Mais demain, est-ce qu'on peut la retrouver dans un titre, dans un album futur? C'était le... Oui, je sais que c'est dans Tournée Générale, ouais, mais est-ce que la version, celle-ci, elle est déjà acoustique dans... Ah, elle est sur le... C'est le dernier album, Pause, mais je crois qu'il est, il est en rupture de stock. Aïe, effectivement. Finito, enfin, donc, faut pas louper le dernier train. Effectivement. Cet album qu'on va redécouvrir sur scène pendant l'été, donc tu feras peut-être des festivals, si on peut faire des festivals cet été, voilà, pour mon pays. Voilà, que je sois programmé déjà, et puis ensuite que ce soit pas annulé, ça fait beaucoup de si. Mm-hmm. Tu es fier de ton... Ouais. De ce que t'as fait ? Très. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais c'est important de c'est le répéter. C'est un bel album. Et on est content de nous t'avoir reçu. Il nous reste c'est combien de temps, Antoine ? Qui va faire son chemin. Eh ben, moi, je suis très fier de te recevoir une deuxième fois. Je ne sais pas s'il y aura une troisième, mais... Jamais 203. On l'a déjà reçu deux fois, moi, d'accord. Ça marche bien. Donc c'est une troisième fois. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous précipiter. Alors il y a trois Fnac à Metz et à Nancy, je crois qu'il les propose. Ah oui, alors il est à Épinal, à Metz, à Nancy, à Paris aussi. Mm-hmm. En fait, c'est les villes où j'ai vécu. Ok. Et sinon, enfin, à Metz, j'ai vécu, mais pas longtemps, et entre parenthèses. Mais on peut le trouver à Metz. Mais bon, on peut le trouver. Et, pour les dates de concert, c'est sur le site. Sinon, voilà, sur le site, sur le Facebook, il y a tous les sites, les dates de concert. On peut se procurer l'album sur le site du distributeur aussi, Inouï Distribution. D'accord. Voilà. Et le 27 mars, à la Mission Pichon. 27 mars. Ah oui, alors pour les Vosgiens, c'est le printemps, c'est le 21 mars, à Microclimat. Quête de Donieuville, il me semble. Et pour les Nancéens, pour les gros, c'est le 20. Je parle pas pour toi. Pour le. C'est plus pour. Pour le 27 mars à MJC Pichon. Et le lendemain, je me la pète un petit coup. Le lendemain, je suis président du jury du tremplin de la chanson française à Pichon. Mmh. Qui n'ai jamais été sélectionné, pris à aucun tremplin. Je suis directement par. Je te remercie pour le gros. Et je ça voulais te dire, Jeff, que t'es pas tout seul. Hein. Ah, d'accord, ok, j'attendais autre chose. Non, ça va. T'es pas gros, toi, t'es juste enveloppé. Allez, à bientôt. C'est Alain d'ici et c'était Jeff. Et c'est merci. Antoine qu'on applaudit. Merci Antoine, applaudissements pour Antoine. Bravo. Merci Antoine.